Bismillah ve elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba huda amma ba'du. Donc en ce jour, le 19 du mois de Ramadan de l'année 1438 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous faisons la traduction approximative du cours qui a été dispensé hier, le 18 du mois de Ramadan, par notre cheikh Abu Hamza Muwaffaq ibn Hussein al-Jabburi hafidhahullah ta'ala, qui avait pour titre la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, badiru bil a'mali fitanan ka qita' al-layl al-muzlim, qui dans sa traduction approximative est empressez-vous d'accomplir les œuvres ou des œuvres pies, car il y aura des troubles aussi noirs qu'une nuit très sombre. Dans la traduction approximative de la parole de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En introduction à la traduction de ce cours, qui comme on le rappelle est un essai de traduction, une traduction approximative, car comme on a l'habitude de le rappeler, la traduction est une science à part entière, elle convient où il convient au traducteur d'être savant, comme on a rappelé hier, dans les deux langues, dans la langue vers laquelle il traduit, dans la langue qui est traduite. Et c'est une chose que nous n'avons pas la prétention d'être, ni d'être spécialisé dans cette science qui est la traduction, mais c'est simplement un essai et un effort de traduction. Cette parole, donc une parole de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullahi alayhi, était pour la traduction des sens du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, et ça s'applique aussi à la traduction de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chose qu'il y a beaucoup dans les cours de nos savants. Et ce chose qu'il y a beaucoup dans les cours de nos savants, et ainsi et aussi dans aussi le fait d'être pointu lorsque tu fais une traduction d'une langue à une autre, en l'occurrence ici de la langue arabe vers la langue française, chose qui est très très important d'avoir d'être minutieux lorsque tu fais ces traductions, car bien sûr ici ce sont des traductions de cours qui tendent à apprendre la religion, tendent à enseigner la religion aux musulmans. Donc à partir de là, on ne prétend pas être des spécialistes dans cela, mais c'est un essai et un effort de traduction. Et cela pour le public français, afin de les mettre en relation avec les savants. Car la relation que tu as avec les savants, tu peux être dans un pays lointain, mais du fait de tes appels aux savants, le fait que tu sois en contact avec eux, le fait que tu écoutes leurs cours, que tu fasses connaissance avec eux à travers leur biographie, c'est une manière que tu as d'être proche de eux, d'être en contact avec eux. Et certaines personnes qui se trouvent à côté de eux, parmi leurs voisins, peut-être qu'ils sont plus éloignés de toi à ce moment que tu l'es de eux. C'est-à-dire que toi, du fait que tu te renseignes sur ces savants, tu apprends à les connaître par des biographies, comme ces brèves présentations que nous faisons au début de chaque cours, le fait que tu écoutes leurs cours, que tu suis leurs enseignements, eh bien c'est une manière que tu as d'être proche de eux, d'avoir cette proximité avec les savants, une proximité que peut-être leurs voisins n'auront pas avec eux. Et ça c'est sur... bien sûr nous le voyons dans la parole de certains parmi les salaf, radhiyallahu anhum, comme cette parole de Abu Darda, radhiyallahu anhu, il disait « Azhadun nasi fil alimi » أهله وجيرانه. Ceux qui sont le plus ceux qui se détachent le plus du savant, ce sont ceux qui composent sa famille et ses voisins, donc les gens les plus proches de lui. Et cette proximité que tu as avec les savants, tu l'as même si tu es à des milliers de kilomètres, du fait que tu suis leurs enseignements, que tu es en contact avec eux par des appels téléphoniques, tu suis leurs cours, tu peux leur poser des questions, et ça c'est une grande chose, et c'est ce que nous essayons de faire depuis des années par ces appels téléphoniques, vous mettre en relation avec vos savants salafis les savants de ce manhaj qui est manhajul haq, qui est la vérité, qui est l'islam véritable, l'islam d'après le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'après la compréhension des pieux prédécesseurs. Nous avons l'habitude de faire, toujours sur la base de la parole de certains parmi as-salaf, radhiyallahu anhum, parmi Muhammad ibn Sirin, rahimahullahu ta'ala, inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, certes cette science est une religion, regardez donc de qui vous l'apprenez. Nous avons l'habitude sur la base de cette parole de faire une brève présentation des mashayikh que nous appelons, et au-dessus de cela, au-dessus de cette présentation, vous mettre en avant et mettre à votre disposition les recommandations des gens de science pour ces personnes, ces savants et ces grands étudiants en sciences que nous appelons. Car au-delà du fait de vous les présenter, de vous dire chez qui ils ont étudié, d'où est-ce qu'ils ont pris la science, qui est quelque chose de très important, il y a cette chose qui est encore plus importante, c'est le fait de vous mettre en avant les recommandations des gens de science qu'il y a pour eux. Car même si une personne a étudié auprès des gens de science connus pour leur manhaj, la droiture de leur manhaj, qui sont peut-être parmi les grands savants, il a peut-être étudié, donc certaines personnes ont peut-être étudié auprès de eux pendant des années, ils ont pris beaucoup de science, se sont même arrivés à un rang où ils se sont des savants, mais leur manhaj a peut-être changé, ou peut-être que même à la base, même s'ils ont pris la science de ces savants-là, peut-être qu'il y avait des erreurs dans leur manhaj, et au jour d'aujourd'hui, peut-être qu'ils ne sont plus comptés parmi les salafis. Donc à partir de là, il sera interdit pour tout musulman qui respecte sa religion, pour tout salafi qui respecte son manhaj, de prendre la science de cette personne. Car la science, nous ne la prenons pas des innovateurs, nous la prenons, la science, notre religion, la religion de l'islam, la religion véritable, nous la prenons. Nous ne l'apprenons que d'après les règles salafis que nous connaissons, ces règles qui sont rapportées de nos pieux prédécesseurs, et parmi ces règles, le fait de regarder de qui tu apprends cette science, car cette science est ta religion. Donc il n'est pas autorisé de prendre cette religion d'innovateur, que ce soit la religion, la science islamique, ou le Coran, ou autre que cela parmi les sciences qui ont un lien avec ta religion. C'est quelque chose qui est interdit. Et à partir de là, il faudra que tu saches, que tu connaisses la droiture et la rectitude du manhaj, de la méthodologie de la personne qui est en face de toi, soit dans une mosquée pour faire par exemple la khutbah, dans une mosquée pour donner un cours, pour t'enseigner, même pour t'enseigner le Coran, te donner un cours de Coran, pour aussi ces appels téléphoniques que tu prends, pour quand tu as des cours enregistrés audio, savoir qui est cette personne qui dispense le cours, savoir qui est cette personne et savoir si son manhaj est un manhaj qui est sain, qui est droit, ou si c'est un manhaj qui est tordu et qui n'est pas sur la voie des pieux prédécesseurs, radhiyallahu alayhim. Et nous trouvons beaucoup de ces personnes qui prétendent ou qui ont réellement étudié chez les grands savants de notre siècle et qui sont aujourd'hui égarés, comme par exemple Ali al-Halabi, qui prétend, et sa secte bien sûr, comme Mashour Salman, Abu Yusr, et Salman, Hussein al-Uwaisha, etc. Tout ce hizb, toute cette secte qui se réunit sur les mêmes innovations, qui ont étudié chez, ou qui prétendent avoir étudié chez Sheikh al-Albani, rahmatullahi alayhi, aussi cette personne qui est un grand innovateur de ce siècle, Abu al-Hassan al-Ma'ribi, Mustafa ibn Ismail al-Sulaymani al-Misri, qui est connu sous le nom de, ou sous la kunya de Abu al-Hassan al-Ma'ribi, qui a étudié chez ce grand savant qui est Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahimahullahu ta'ala. Aussi Al-Maghrawi, le Marocain qui a étudié chez les grands savants de Médine, et bien, bien autres que eux, qui ont pu étudier chez les imams de ce siècle, et qui sont au jour d'aujourd'hui comptés parmi les égarés. Donc, si tu respectes ta religion, si tu respectes ce manhaj, il te convient de faire très attention et de bien savoir de qui tu apprends ta religion. Et c'est pour cela que nous n'attendons pas que les frères qui suivent ces cours nous demandent, plutôt c'est une démarche qui nous convient de faire, vu que nous sommes dans une place où nous éduquons, c'est bien la place de talaba, talabatul ilm, d'éduquer la communauté et de les mettre en relation avec les savants. Comme le disait notre cheikh, cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, rahimahullah ta'ala, il disait, lorsqu'il lui a été posé une question, et cette question lui a été posée par des gens de France à l'époque, il y a de nombreuses années, quel est le rôle des étudiants en sciences? Il a répondu, le rôle des étudiants en sciences, c'est de mettre les gens de la masse en relation avec les savants. Les étudiants en sciences, c'est bien ça leur rôle, de les mettre en relation avec les savants, les héritiers des prophètes. Comme Sahaba étudiait auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et prenait la religion auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et bien nous, il nous convient de prendre la religion de ces héritiers qui sont les savants, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Donc nous prenons cet héritage prophétique auprès des héritiers de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ont hérité de la science de cette religion. Et donc sur ce, nous allons présenter ce cheikh que nous avons appelé aujourd'hui. Il y aura aussi dans les cours à venir quelques paroles par rapport, qu'on a l'habitude de faire au début en introduction des cours, quelques paroles par rapport à la distinction entre les étudiants en sciences et les savants, et savoir comment on reconnaît un savant, comment on sait que telle personne est un savant, comment on peut dire d'une personne que c'est un savant, aussi le fait de délaisser, chose que nos savants mettent en garde, sur laquelle nos savants mettent en garde, le fait de délaisser quelque chose qui est impératif pour tous salafi, c'est quelque chose de très important, de délaisser ce qu'on appelle al-mufadala entre le ulama, c'est-à-dire de se permettre de dire lui est meilleur qu'un tel, lui a plus de science qu'un tel, lui est au-dessus d'un tel, sans avoir une parole des gens de science sur cela. Chose dans laquelle tombent la plupart, ou on va dire beaucoup, des jeunes qui bien souvent n'ont pas étudié la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, auprès des savants. Cette parole-là, on l'aura, inshallah, au début du prochain cours, car c'est une parole qu'on a l'habitude de répéter tous les ans, quelque chose qui est très important au vu de ce que nous essayons de faire, de vous mettre en relation avec les savants, de bien savoir qui sont les savants et comment faire la différence entre un savant, entre un grand étudiant en science, entre quelqu'un qui n'a rien à voir avec la science, faire la différence entre les savants et les grands savants, et comment on peut faire cette différence, nous, à notre niveau, et le fait aussi de délaisser donc ce que j'ai évoqué précédemment, al-mufadala, c'est-à-dire le fait de préférer certains à d'autres, ou de dire que lui a plus de science qu'un tel, lui est meilleur qu'un tel, lui a plus de... est plus connu qu'un tel, etc. Donc cette chose-là, on le dira dans l'introduction, on en parlera dans l'introduction du prochain cours, incha'Allahu ta'ala. Donc notre cheikh que nous avons appelé hier, que le temps n'a pas, qui nous a pas été permis, qu'Allah Azza wa Jal nous a permis de faire cette traduction, la traduction de ce cours aujourd'hui. Ce cheikh que nous avons appelé hier, Abu Hamza Muwaffaq ibn Hussein al-Jabburi, sa kunya donc Abu Hamza, son nom Muwaffaq ibn Hussein al-Jabburi, l'Irakien, al-Iraqi. C'est quelqu'un qui vient, donc qui est irakien et qui se trouvait en Irak. Le dernier cheikh que nous avons appelé hier, dont nous avons fait la traduction hier et que nous avons appelé il y a 4 jours, donc Cheikh Nizar ibn Hashim al-Abbas, qui venait du Soudan. C'est aussi une des choses que nous essayons de faire, de vous montrer que dans chacun des pays musulmans, dans la plupart des pays musulmans, il y a des gens de science qui défendent ce manhaj et qui portent l'étendard de ce manhaj, le manhaj salafi, et qui combattent les gens de l'innovation, même dans des pays qui sont touchés par les épreuves et par les troubles, comme ici, ce pays de l'Irak, qui est au jour d'aujourd'hui dévasté, qui est dévasté par les guerres, par les mécréants, les Américains, qui ont dévasté ce pays. Ensuite, Ar-Rawafid, les chiites, Rawafida, qui ont pris une grande partie du pays. Aussi, après cela, c'est Al-Khawarij de Daesh et autres que eux, qui ont vraiment dévasté ce pays. Et malgré cela, c'est-à-dire que nous trouvons la véracité de la parole de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est bien lui le véridique, l'envoyé d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui dit qu'il y aura toujours un groupe de cette communauté qui sera sur la vérité, qui sera apparent sur cette vérité, et qui défendra cette vérité. Et nous trouvons cette parole véridique dans ces moments-là, c'est à ces moments-là, lorsque nous voyons que dans des pays dévastés par les guerres, par les ambiguïtés, par les troubles, nous trouvons encore des gens qui sont sur la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur le manhaj de As-Salaf Salih, ridwanallahi alayhim, qui défendent le manhaj salafi et qui font des réfutations aux innovateurs et qui ne les laissent pas prospérer, mais plutôt qui défendent ce manhaj, comme ici dans ce pays qu'est l'Irak, et ce shir, un shir Muwaffaq, et ses frères parmi les mashayikh en Irak qui défendent ce manhaj salafi, le manhaj salafi al-wadih, hafidhahum Allah jami'an wa baraka fihim wa fi juhudihim. Donc pour reprendre le cours où nous nous étions arrêtés, donc la traduction de ce cours, donc par rapport à ce shir Muwaffaq, c'est un shir qui est d'Irak, qui est irakien et qui est au jour d'aujourd'hui en Irak, dans une province qui est toujours à peu près préservée, c'est-à-dire la province de Salahuddin, qui est toujours à peu près préservée, et donc où les shi'a al-rawafid, comme il s'appelle le même shi'a, donc al-rawafid, ces ennemis de l'islam ne sont pas encore rentrés, non plus al-dawa'ish, et on va dire que ce pays est plus ou moins préservé, ou cette contrée est plus ou moins préservée, walillah alhamd. Et Shir Muwaffaq, c'est quelqu'un qui a étudié, c'est quelqu'un qui est assez âgé et qui a étudié auprès de certains parmi les mashayikh là-bas en Irak, qui a pris la science auprès de eux. C'est quelqu'un qui a une histoire un peu particulière, du fait qu'il était général, ou en tout cas, astaghfirullah, peut-être que son rang était en dessous de général, mais en tout cas il faisait partie des gradés, j'ai un doute, mais il faisait partie des gradés dans l'armée de cette personne, Saddam Hussein, l'ancien président donc de l'Irak, et il, par rapport à plusieurs contradictions avec le manhaj de Salaf Salih, au moment où lui il a commencé à connaître le manhaj de Salaf Salih, il a commencé à s'y conformer, et à cause de certaines contradictions avec ce manhaj, le manhaj de Salaf Salih, il a été emprisonné. Donc à l'époque de Saddam Hussein, il fut emprisonné, Cheikh Muwaffaq, hafidahullah, et il est resté un moment en prison, et lorsqu'il était en prison, il en a profité pour étudier la religion d'Allah Azzawajal, pour beaucoup lire et prendre ce qu'il a pu prendre pendant cette période où il a été emprisonné, donc pendant un certain temps, un temps assez long. Au moment où il est sorti, il a continué à apprendre la science auprès de certains mashayikh là-bas en Irak, et aussi il a l'habitude, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un, malgré qu'il est assez âgé, c'est quelqu'un qui ne s'enfle pas d'orgueil de continuer à apprendre la science, du fait qu'il fait tous les ans, parfois plusieurs fois par an, des voyages vers l'Arabie Saoudite, le pays du tawhid et de la sunna, harasahallah, et le pays des grands savants. Il ne cesse d'aller faire des voyages vers ces grands savants et de prendre la science d'eux, comme par exemple auprès de Sheikh Al-Allama Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali, wa Sheikh Ubaid Al-Jabiri, Sheikh Mohammed ibn Hadi Al-Madkhali et autres que eux, hafidhahumullah ta'ala. Et donc cette personne, ce shir que nous avons appelé shir Muwaffaq, bénéficie de recommandations de ces mashayikh qui ont été cités, et en l'occurrence une recommandation de Cheikh Ubaid al-Jabiri, qui fait partie de nos grands savants à Médine, qui le recommande, et c'est une recommandation qui est répandue. Vous pouvez la trouver sur internet, vous la trouvez aussi sur le site, je pense que les frères l'ont mise sur le site Ahlul Dhikr. Et ça, c'est, comme je le rappelle encore une fois, le point le plus important dans cette présentation, de voir que cette personne que nous avons appelée est une personne qui est recommandée des gens de science. Au-delà de son cursus, de ce qu'il a pu apprendre, où est-ce qu'il a pu apprendre, chez qui il a pu apprendre, le fait qu'au jour d'aujourd'hui encore, il est recommandé et l'ulama le recommande auprès des étudiants de son pays et de l'extérieur de son pays, afin qu'ils prennent la science de lui et ils profitent de lui. Et encore une fois, je rappelle ce que j'ai rappelé il y a quelques minutes sur le fait que vous voyez la véracité ici de la parole de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous dit dans le sens approximatif de ses paroles qu'il ne cessera d'y avoir un groupe sur la vérité qui sera apparent et qui défendra cette vérité. Regardez dans un pays comme l'Irak, avec tous les troubles qu'il y a là-bas, toutes les ambiguïtés, tous les troubles, tous les égarements de ces groupes égarés comme Daesh, aussi comme Ar-Rawafid, aussi on sait la présence des Américains qui ont duré là-bas pendant la dernière guerre qu'il y a eu. Et malgré cela, on voit que il y a toujours des gens de science qui défendent le manhaj salafi et qui font des réfutations à ces innovateurs et qui défendent le manhaj d'Allah tabaraka wa ta'ala. Après l'introduction, le shir hafidahullahu ta'ala wa jazahu khayran a remercié les frères du site Ahlul Dhikr et la radio pour ces appels téléphoniques et ces séries d'appels téléphoniques. Et il nous a fait part de sa joie de donner un cours en ce jour et de se réunir, même si c'est par téléphone, avec ses frères de France, et de donner un cours sur la radio Ahlul Dhikr. Ensuite, le Cheikh a introduit son cours en rappelant le titre du cours que nous avons donné, qui est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il layl al muzlim, qui dans le sens approximatif de ces paroles est, comme nous l'avons traduit, empressez-vous d'accueillir des œuvres pies, car il y aura des troubles aussi noirs qu'une nuit très sombre. Le Shir de nous dire que ce hadith se trouve dans le recueil authentique de l'imam Muslim rahimahullah, et il est rapporté par ce grand compagnon qui est Abu Huraira radiallahu anhu, et le hadith en entier pourrait être traduit, car bien sûr le titre, ce titre que nous avons donné est une partie ou le début du hadith, et le hadith en entier est ou peut-être traduit par empressez-vous d'accomplir des œuvres pies, car il y aura des troubles aussi noirs qu'une nuit très sombre. L'homme se retrouve au petit matin croyant et se retrouve à la nuit ou le soir mécréant. Et il se trouve mécréant au petit matin et il se retrouve croyant au soir. Ceci est la suite du hadith. Et la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le sens approximatif de ses paroles, et il vend, donc cet homme, cette personne, il vend sa religion pour des biens de ce bas monde. Le Cheikh nous dit que Cheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi dit, après avoir évoqué ce hadith, Ceci est un avertissement du messager d'Allah tabaraka wa ta'ala pour sa communauté. Il les avertit de troubles qu'ils ne peuvent même pas s'imaginer. Des troubles qu'ils ne peuvent même pas, que la raison d'un être humain ne peut même pas s'imaginer. Il les avertit de troubles immenses. Et il les enjoint de s'empresser à accomplir des œuvres pieuses afin de se préserver de ces troubles. Et le shir nous dit que ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit badiru bil a'mal. Il nous dit al-mubadara, dans la langue arabe c'est al-musara'a, comme al-musara'a, comme al-musabaqa, comme al-munafasa. Ou plutôt il nous dit que al-mubadara regroupe tous ces termes, c'est-à-dire que c'est le fait de s'empresser à faire une chose en premier, le fait de se dépêcher d'accomplir une œuvre et d'être en concurrence, en compétition avec les autres afin d'être le premier à accomplir cette œuvre. C'est ce qui est voulu ici par le terme badiru bil a'mal. Empressez-vous d'accomplir ces œuvres. C'est le fait d'être en concurrence avec les autres et de s'empresser à les accomplir afin d'être le premier à les accomplir. Et comme le cheikh nous l'évoque, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens approximatif de ces paroles, et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, c'est-à-dire le paradis, large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Comme dans la sourate numéro 3, sourate Al-Imran, le verset numéro 133. Comme je l'ai dit, j'évoquerai parfois les numéros des versets ainsi que les sourates du Coran, car plusieurs frères au fil des années m'ont demandé cela afin qu'ils puissent prendre des notes. Et le cheikh nous dit que cheikh Ibn Uthaymin rahmahullah ta'ala dit que al-mubadara, donc le fait d'être le premier, de se concurrencer afin d'être le premier à accomplir ses œuvres, c'est le fait de ne pas s'attarder, ne pas prendre du retard, et vraiment au moment où nous sommes ordonnés d'accomplir ses œuvres, de les faire et de se concurrencer dans cela. Et ici ce qui est voulu, ce sont les œuvres pieuses. Ce ne sont pas n'importe quelles œuvres, mais les œuvres pieuses. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith dit badiru bil a'mal, empressez-vous de faire des œuvres. Et nous l'avons traduit par empressez-vous d'accomplir des œuvres pies, même si ce n'est pas évoqué dans le hadith, mais c'est ce qui est compris, comme le dit ici le shir, en rapportant la parole de shir Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Et shir Ibn Uthaymin rahimahullah après cela dit que les œuvres pieuses, quelles sont-elles? Il nous décrit quelles sont les œuvres pieuses. Les œuvres pieuses sont des œuvres qui sont construites sur deux bases, sur al-ikhlas ou al-mutaba'a, c'est-à-dire la sincérité envers Allah Azza wa Jal dans l'accomplissement de ses œuvres, et al-mutaba'a, c'est-à-dire le suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le suivi de sa sunna, que tes œuvres soient en conformité avec sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. Donc le shir nous dit que ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam enjoint sa communauté à accomplir des œuvres pieuses qui contiennent ou qui se reposent sur deux bases, qui sont la sincérité et le suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans cela, le shir nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint ici à la sincérité envers Allah azza wa jal et le suivi de sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh nous dit que la personne, lorsqu'il fait une œuvre, même si cette œuvre sera en apparence belle, sera en apparence une bonne œuvre, Mais s'il n'est pas sincère envers Allah Azza wa Jal dans l'accomplissement de cette œuvre, eh bien cette œuvre ne sera pas acceptée. Comme une personne qui aura accompli une œuvre où il sera sincère envers Allah Tabaraka wa Ta'ala, mais il ne sera pas en concordance, ou cette œuvre ne sera pas en concordance et ne sera pas sur le suivi de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et bien cette œuvre aussi ne sera pas acceptée. Donc il faut qu'elle se repose sur ces deux bases qui sont le suivi et la sincérité envers Allah tabaraka wa ta'ala. Et comme le dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme dans ce hadith qui est rapporté par Aisha radiallahu anha, celui qui œuvre dans notre religion une œuvre, ou qui fait dans notre affaire une action, ou qui fait une action qui n'est pas qui n'est pas sur notre affaire, qui n'est pas sur notre voie, eh bien cette œuvre se verra refusée. Le shir nous dit pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith a dit des troubles comme des troubles aussi noirs qu'une nuit très sombre. Le shir nous dit que ça c'est une description du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ces troubles, et ça montre que ces troubles seront des troubles qui seront très difficiles à vivre, des troubles très importants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous informe que ces troubles vont arriver et qu'il n'y a pas d'échappatoire. Et le shir nous dit que les troubles ici ce sont des épreuves et un examen pour les croyants, et c'est un examen et une épreuve dans le bien comme dans le mal. C'est-à-dire que tu peux être éprouvé par un bien qui t'atteint comme tu peux être éprouvé par un mal qui t'atteint, et pour toi ce sera comme un examen. Et le shir nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici a décrit ces troubles comme des troubles aussi noirs qu'une nuit sombre. Qu'est-ce que la nuit sombre ? C'est la nuit qui se trouve au début du mois, la première nuit du mois et la dernière nuit du mois, une nuit où il n'y a pas de lune. Une nuit sans lune, et une nuit sans lumière, car c'est bien la lune qui éclaire dans la pénombre de la nuit. Et le shir nous dit, comme une personne, tu seras dans ces troubles et tu traverseras ces troubles comme une personne qui traverse un bois dans une nuit sombre, sans lune, où il n'y a pas de lumière, où il n'y a rien qui l'éclaire, qui éclaire devant ses pas, et il ne sait pas où il met les pieds. Peut-être qu'il met les pieds dans une pente et qu'il tombe et qu'il dévale la pente. Peut-être qu'il met ses pieds sur un serpent. Peut-être qu'il met ses pieds et il tombe sur un animal féroce. Il ne sait pas, il n'y a pas de lumière pour l'éclairer. Et ces troubles sont des troubles qui sont effrayants. Et le shir nous dit ici que ces troubles se distinguent, ou plutôt sont une... Le fait d'appeler que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit ces troubles comme étant aussi noirs qu'une nuit très sombre nous montre, c'est une sorte de métaphore qui montre la difficulté durant ces troubles d'arriver à la vérité, qu'il n'y a pas de lumière pour nous éclairer vers la vérité, le fait d'atteindre la vérité, al-haq. Et le shir nous dit que ces troubles sont de deux sortes, comme l'ont rappelé les gens de science. Les troubles qui ont rapport avec ash-shubuhat, ce qu'on peut traduire, ce qu'on traduit communément par les ambiguïtés, et les troubles de ash-shahawat, que nous traduisons communément par les envies et les passions. Et le shir nous dit que le premier de ces troubles qu'on va expliqué, c'est les troubles qui ont rapport avec ash-shahawat, c'est-à-dire les passions et les envies, fitnatu ash-shahawat. Et le cheikh nous a rappelé plusieurs, ou ce qui constitue ce trouble-là, ou ces troubles-là, il y a les troubles qui ont un rapport avec les passions du ventre, aussi les passions des parties, les passions qui ont rapport avec les femmes, les passions qui ont rapport avec les biens de ce monde, etc. Et quelle est la chose qui nous fera sortir de ces troubles et qui nous préservera de ces troubles? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a rappelé dans ce hadith, au début du hadith, lorsqu'il nous enjoint à commettre des œuvres pieuses. Eh bien oui, comme nous le dit le shir, ici, ce qui nous préservera de ces troubles, c'est le fait de nous empresser d'accomplir des œuvres pieuses. Et ce sera bien cela le remède contre ces troubles, les troubles qui ont rapport avec les passions. Car ces œuvres pieuses renforcent ta foi et sont une lumière pour toi. Et ces œuvres pieuses anéantissent les insufflations de Shaytan, la'natullahi alayhi. Et le shir nous cite parmi ses œuvres pieuses comme le fait d'être assidu aux prières obligatoires, aussi d'être assidu dans son jeûne, d'être assidu dans les préceptes obligatoires de l'islam, aussi de faire beaucoup d'actes surérogatoires, comme par exemple des prières surérogatoires, des jours de jeûne surérogatoires, aussi de beaucoup faire le rappel d'Allah Azza wa Jal, dhikr, aussi de ne pas oublier les rappels du matin et du soir, les invocations du matin et du soir, toutes ces œuvres pieuses, tout ce qui constitue les œuvres pieuses, tout ce qui constitue des œuvres pieuses, ceci est le remède contre les troubles, les troubles qui ont rapport, ici donc ceux qui sont évoqués, qui ont rapport avec les passions. Et le shir nous dit que parmi ces troubles qui sont des troubles forts, qui ont beaucoup de répercussions et qui ont beaucoup de répercussions sur le musulman et qui le touchent beaucoup, il y a les troubles qui ont rapport avec les femmes, avec les parties, le fait de préserver ces parties. Et comme cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre les troubles ayant rapport avec les femmes, comme il le dit dans ce hadith, ou qui est un hadith authentique qui est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, où il dit je n'ai pas laissé après moi de troubles qui sont plus néfastes que le trouble des femmes. Et ce qui préserve le musulman de ses troubles, le remède contre ses troubles, comme nous l'avons évoqué, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, au début de ce hadith, le fait de s'empresser d'accomplir des bonnes œuvres. Ensuite, le shir, hafidhahullahu ta'ala, nous parle et nous explique la deuxième sorte de troubles, qui est le trouble, qui sont les troubles en rapport avec ash-shubuhat, c'est-à-dire les ambiguïtés. Ces ambiguïtés dans la croyance, ces ambiguïtés dans al-manhaj, ces ambiguïtés dans la religion. Le cheikh nous dit que La plus grande cause de ces troubles, que la personne soit atteinte par ces troubles, est l'ignorance. Cette ignorance qu'il a sur la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Cette ignorance qui l'emmène vers des troubles ayant attrait à sa croyance, à son manhaj, à sa méthodologie. Ces troubles qui vont à l'encontre de la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le cheikh nous dit que ceux-ci sont des troubles immenses et très dangereux. Ces troubles qui font tomber la personne dans l'égarement, qui le font même tomber dans la mécréance. Et comme nous le dit le cheikh, nous le rappelle, la cause principale de ces troubles qui font tomber la personne dans ces troubles est l'ignorance dans la religion d'Allah Azza wa Jal, l'ignorance de la religion d'Allah Azza wa Jalla. Et par exemple, nous voyons ces groupes égarés qui, par leur ignorance de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, ces groupes égarés comme Al-Khawarij, qui, du fait de leur ignorance de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, sont se sont retrouvés à prendre des versets du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala qui sont véridiques sans aucun doute, qui les ont pris et qui les ont appliqués, qui sont descendus sur les mécréants, sur les associateurs, où Allah Azza wa Jalla dans ses versets décrit les associateurs et les mécréants. Ils les ont pris et ils les ont appliqués aux musulmans. Et après avoir fait cela, ils ont rendu licite leur sang. Ils ont rendu licite le fait de mettre le désordre dans les pays des musulmans, ces pays où ils vivent, où ils prospèrent, où ils profitent des bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla octroie aux habitants de ces pays, où ils profitaient de la sécurité dans ces pays. Mais après être tombés dans ces ambiguïtés, ils se sont permis le meurtre, se sont permis de faire couler le sang qui ne leur était pas licite. Ils se sont permis de détruire et d'apporter la perversion dans ces pays. Et le shirk nous dit que cela fait partie des maladies du cœur. Et encore une fois, le shirk nous rappelle que cette chose-là aussi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce trouble-là aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne le remède. Et ce remède est le fait de pratiquer des bonnes œuvres et de s'empresser à pratiquer des bonnes œuvres. Et parmi ces bonnes œuvres, parmi les plus grandes de ces bonnes œuvres, le fait d'apprendre la religion d'Allah Azza wa Jal, d'apprendre la science profitable, et après avoir fait cette démarche, donc cet empressé d'accomplir ces bonnes œuvres, après cet empressé d'apprendre la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, d'apprendre la science profitable, ce sera pour lui un remède contre ces troubles, les troubles qui se rapportent aux ambiguïtés dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le shirk nous a rapporté après cela un verset. Il nous dit que cette personne, lorsqu'il aura fait cette démarche et se sera empressé d'accomplir cette œuvre parmi les meilleures des œuvres pieuses, c'est-à-dire le fait d'apprendre la religion d'Allah, d'apprendre la science profitable, la lecture du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, la lecture et l'apprentissage des hadiths, des traditions prophétiques, il tombera par exemple, cette personne qui sera tombée dans ce trouble, le trouble de Al-Khawarij par exemple, il lira la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens approximatif de ses paroles, où il dit où il dit dans le sens approximatif de ses paroles, et quiconque, où il dit quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. Cette personne qui avait rendu licite le fait de verser le sang, qui ne lui était pas licite, si il fait cette démarche d'apprendre la science, d'apprendre la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, de lire le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, en méditant sur le sens de ces versets, en apprenant le sens de ces versets, il tombera par exemple sur cette parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le sens approximatif de ces paroles. Quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. Aussi, il lira et il apprendra, il méditera certaines traditions prophétiques, comme ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui tue une personne avec qui nous avons un pacte, parmi les mécréants avec qui nous avons un pacte, eh bien il ne sentira pas l'odeur du paradis. Et lorsqu'il aura fait cette démarche d'apprendre la science et qu'il sera tombé et qu'il lira ces versets, ces hadiths, et qu'il apprendra et qu'il méditera sur les enseignements qu'ils contiennent, ce sera pour lui une guérison et un remède à ses ambiguïtés. Voici le Cheikh nous dit, lorsqu'il demandera aussi aux gens de science, les gens de science qui apprennent aux gens les bases de la religion en premier lieu, puis le reste de cette religion, ces savants qui avancent sur la vérité, qui montrent aux gens la vérité, qui connaissent la vérité, et qui connaissent la réalité des choses, lorsqu'il reviendra vers eux pour apprendre sa religion, et bien cela sera un remède pour lui. Et il nous dit, en faisant l'éloge de ces savants qui par leur cause, qui par leur présence, sont une cause que Allah tabaraka wa ta'ala préserve ses serviteurs, et il la certe tabaraka wa ta'ala promis, comme dans ce verset où il nous dit que ceux qui ont cru, dans le sens approximatif de ces paroles, et ceux qui ont cru et qui n'ont pas mélangé leur foi à de l'injustice, eh bien cela, nous leur promettons la sécurité, et ils sont certes les bien guidés, dans le sens approximatif de ces paroles. Et ici, l'injustice, ce qui est voulu, comme nous le dit le Cheikh, c'est shirk, c'est-à-dire l'association. Donc ceux qui ont cru et qui n'ont pas mélangé à leur foi de l'association, à leur foi, eh bien cela, nous leur accorderons la sécurité, ce sont eux les bien guidés. Et le Cheikh nous fait l'éloge ici de ces savants, qui sont les savants de la vérité, qui connaissent la vérité, qui connaissent la réalité des choses, qui par leur cause, par la cause de leur présence, Allah Azza wa Jal préserve ses serviteurs. Et il nous enjoint à revenir vers eux afin de se préserver des troubles et de l'ignorance et des ambiguïtés. Ensuite, le Cheikh nous dit, nous interpelle en nous disant, en nous posant cette question, quel est le résultat de ces troubles ? Vers quoi nous emmènent ces troubles ? Ces troubles nous emmènent vers ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détaillé dans la suite du verset, du hadith, qui est le thème du cours d'aujourd'hui. C'est sa parole, dans le sens approximatif de ses paroles, sallallahu alayhi wa sallam, qu'une personne se réveille ou se retrouve au petit matin en étant croyant et se retrouve au soir en étant mécréant. C'est-à-dire qu'au matin il était croyant et le soir il est mécréant. Et au petit matin il était mécréant et le soir il se retrouve croyant. Le Cheikh nous dit, regarde la vitesse à laquelle il change d'état, cette personne. Il passe d'un absolu à un autre. Il passe de la foi à la mécréance et de la mécréance à la foi en une seule journée, d'un matin à un soir. Et le shir donc nous dit que ça, c'est le résultat de ces troubles, et de suivre ces troubles et de ne pas leur donner leur remède, qui sont le fait de s'empresser à accomplir les bonnes œuvres. Et le shir nous dit que celui qui est tombé dans ces troubles et qui sera laissé aller dans ces troubles, ceci sera son devenir et sera le résultat de cette laisser aller dans ces troubles. Et quel est aussi le résultat, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la fin du hadith, qui est le thème du cours d'aujourd'hui, il dit: et cette personne vendra sa religion pour des biens d'ici-bas. Cette personne vendra sa religion pour des biens d'ici-bas. Ensuite, le shir nous enjoint une dernière fois avant de clôturer ce cours à pratiquer et à s'empresser de pratiquer, d'accomplir les œuvres pieuses. Il nous rappelle cette parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ibn Umar, ce grand compagnon, radiallahu anhu wa an abihi, lorsqu'il lui dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu te retrouves au matin, n'attends pas le soir, et lorsque tu te retrouves au soir, n'attends pas le matin, et prends de ta santé pour ta maladie. Et de ton temps libre pour le temps où tu seras occupé. Et nous voyons que Ibn Umar a pris le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a œuvré dans ce sens. Le fait de ne pas attendre, de te retrouver au soir avant d'accomplir les bonnes œuvres. Lorsque tu te retrouves au matin, de ne pas remettre à plus tard ces bonnes œuvres que tu peux accomplir dès maintenant, ne pas les remettre au soir, car tu ne sais pas si tu atteindras le soir. Si Allah Azzawajal te prêtera vie jusqu'au soir, lorsque tu es en bonne santé, de ne pas attendre d'être malade. À ce moment, tu es malade où tu ne pourras pas accomplir ces bonnes œuvres. Mais lorsque tu es en bonne santé, eh bien, tu peux les accomplir, de ne pas remettre à plus tard. Aussi, lorsque tu es libre, de ne pas remettre à plus tard. À un autre moment où tu seras occupé, où tu ne pourras plus accomplir ces bonnes œuvres. Il nous rappelle aussi, le shir nous enjoint à accomplir les bonnes œuvres et à ne pas se laisser berner et ne pas se laisser avoir par cette vie d'ici-bas, comme il disait un parmi les salaf, radhiyallahu alayhim, lorsqu'il se levait la nuit, il prenait sa barbe dans ses mains, il disait, il interpellait cette vie d'ici-bas, il lui disait: toi, la vie d'ici-bas va tromper quelqu'un d'autre que moi. Et il nous enjoint, le shérif, à ne pas être trompé par les œuvres mondaines, par des choses qui peuvent nous détourner du visage d'Allah tabaraka wa ta'ala, et du but et du fait d'accomplir des bonnes œuvres, des œuvres pieuses. Et le shérif termine le cours en nous disant que ces œuvres pieuses sont celles qui préservent le croyant, sont celles par lesquelles Allah Azza wa Jal préserve le croyant. Et il nous enjoint à vraiment s'empresser d'accomplir ces œuvres pieuses, afin que tu ne sois pas de ceux que Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans ce verset de Sourate Zumar, qui est la Sourate numéro 39, dans ce verset qui est le verset numéro 56, où Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, dans le sens approximatif de ses paroles, et suivez la meilleure révélation qui vous est descendue de la part de votre Seigneur avant que le châtiment ne vous vienne soudain sans que vous ne le pressentiez, avant qu'une âme ne dise: malheur à moi pour mes manquements envers Allah, car j'ai été certes parmi les railleurs, ou qu'elle ne dise: si Allah m'avait guidé, j'aurais été certes parmi les pieux. Et le shir nous enjoint aussi afin de ne pas être non plus parmi ceux qui diront, comme dans Sourate Al-Mu'minun, qui est la Sourate numéro 23, dans le verset numéro, ou aux alentours du centième verset de cette Sourate, où Allah Azza wa Jal dit: puis lorsque la mort vient à l'un d'entre eux, il dit: mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. Non, c'est simplement une parole qu'il a dit. Derrière eux, cependant, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Et le cheikh clôt le cours en nous disant que nous sommes dans le mois des œuvres, le mois de Ramadan, ce mois béni, et il nous enjoint à redoubler d'efforts dans ces dix derniers jours qui sont à l'approche. Il y a presque 20 jours du mois de Ramadan qui sont passés. Nous sommes au 19e jour. Ce soir, on rentrera dans la nuit du 20e jour. Donc, il y a 20 jours qui sont passés de ce mois béni, du mois de Ramadan, qui est un mois d'œuvres pieuses. Il nous enjoint à redoubler d'efforts dans les 10 dernières nuits, qui sont des nuits importantes et des nuits bénies. Dans ces nuits où se trouve la nuit du destin, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'elle se trouve dans les 10 dernières nuits, et il nous dit, celui qui, dans le sens approximatif de ses paroles, celui qui se lève et qui prie la nuit du destin, ce qui est communément appelé par, en français, traduit par la nuit du destin, Laylatul Qadr, la nuit du destin ou de la prédestination, celui qui se lève et qui prie pendant la nuit du destin avec foi et espérance en la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala, et bien il se verra pardonner ses péchés. Aussi, il nous rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il rentrait dans les 10 dernières nuits, il réveillait sa famille, il priait la nuit, il faisait, dans le sens du hadith, donc il faisait vivre ou revivre sa nuit, la nuit, c'est-à-dire qu'il priait la nuit, il réveillait sa famille afin qu'il prie avec lui, et il attachait son izar, c'est-à-dire qu'il redoublait d'efforts. C'est une manière de dire qu'il redoublait d'efforts. Donc le cheikh nous dit, il faut que nous remontions nos manches et que nous redoublions d'efforts dans ces 10 dernières nuits. Il faut que nous soyons comme l'était notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que pendant les nuits du mois de Ramadan, il priait, il évoquait Allah tabaraka wa ta'ala, il lisait le Coran. Aussi pendant ses journées, il faisait des aumônes, il faisait le bien, il révisait le Coran aussi avec Jibril alayhi salam, qui venait le visiter, qui lui faisait réviser le Coran pendant le mois de Ramadan. Ce sont des jours qui sont bénis. Il convient de s'empresser vers l'accomplissement des bonnes œuvres. Et le shir a terminé, a clôturé le cours sur cette parole. Hafidahullahu ta'ala wa ilahuna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.